Pierre fait de la publicité pour que les gens se stationnent de ce côté-là. Et ça lui permet de donner des contraventions. Et là, on aborde un sujet qui est très intéressant. Un sujet qui est extrêmement controversé. Chaque fois que j'ai essayé d'expliquer à des gens que l'amour était une farce, eh bien, ils riaient, mais de moi. Alors, ça n'a pas été tout à fait le résultat que j'escomptais. Il y a des gens, de temps en temps, qui, au sortir des bouches du métro, lorsque je prenais le métro, ou lorsque le métro me prenait, m'accueillaient avec des papiers, avec des crucifix, des colliers, de l'encens, des fois, et des fois des sautillements. Et ils me disaient qu'ils m'aimaient. Je ne les connaissais pas, et ils m'aimaient. C'était bien. Je ne les aimais pas, mais eux, ils m'aimaient. Il m'aimait à un point tel qu'avoir eu un tue-mouche, j'aurais pu m'en servir. Il m'aimait jusqu'à temps que j'ai accepté de leur donner 50 cents. Là, il partait puis il allait aimer quelqu'un d'autre, qui sortait du métro aussi. Et je ne sais pas combien ça pouvait rapporter d'aimer les gens comme ça. Mais apparemment, il y a des organisations religieuses qui se financent totalement par l'amour. Je ne parle pas du tantrisme. Ou des bordels qui se financent aussi par l'amour. Mais il y a effectivement énormément d'organisations qui ne fonctionnent que sur l'amour. Alors on va dans des religions, dans des endroits, et on se fait dire que Dieu vous aime. Et donner un peu d'argent pour qu'on puisse continuer à dire aux gens que Dieu les aime. Je n'ai rien contre cela. Il faut bien gagner sa vie. Mais on travaille encore avec cette idée de l'amour. Lorsque je parle à des prêtres, je me prête à ce genre de choses des fois. Donc, lorsque je parle à des prêtres, ils me vantent l'amour du Seigneur. Comme je dis souvent, le gars qui est sur une croix et qui saigne, le Seigneur. Et donc, ils me vantent l'amour du Seigneur. Et ils me disent que Jésus, le Nazaréen, a tant aimé le monde qu'il est mort pour lui. Et ça me fait penser à une phrase dite par un bonhomme que j'ai oublié le nom. L'important, ce n'est pas le nom, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Il est facile de mourir pour une cause, mais drôlement plus difficile de vivre pour elle. Alors, si le Seigneur est mort pour l'humanité, c'est que l'humanité qui est restée vivante pour elle-même s'aime encore plus que lui l'a aimé. Vous savez, lorsqu'on parle du Nazaréen qui meurt parce qu'il aime l'humanité, alors il aime l'humanité autant que le soldat Mujahidin qui, par exemple, va, avec une grenade, aller se faire sauter dans un camp ennemi. Il meurt lui aussi pour sauver sa patrie, son monde. Celui qui meurt au nom de l'islam, celui qui meurt sur un champ de bataille en tuant les infidèles, meurt au nom de son Dieu. Alors il aime son Dieu autant que le Christ a pu aimer son Père. Mais on ne vante pas les mérites de ces personnages. De notre côté, du côté catholique, on les trouve débiles, imbéciles, stupides, idiots. Vous savez que c'est extrêmement intéressant de mourir par amour pour le Christ, mais tout à fait affolant, stupide et niaiseux de mourir pour amour pour Allah. Tout ça pour trouver un stationnement. L'être humain doit effectivement se stationner quelque part. Il doit, à un moment donné, dans son cheminement, arrêter. Celui qui ne stationne jamais suit le flot des automobiles et va où il ne veut pas aller. Et parce qu'il se dit, tiens, les gens vont là, c'est peut-être là que je vais aussi, alors ils suivent. Vous êtes déjà promené dans un milieu très évolutif qu'on appelle le centre-ville. D'ailleurs, le stationnement est extrêmement pénible à trouver. Parce qu'il y a des forces d'évolution qui mettent des contraventions pour empêcher les gens de stationner. Dans le parallèle que je fais, le stationnement d'une automobile, c'est exactement l'arrêt dans la conscience de l'homme, de son cheminement à travers les traditions. Quand on stationne son automobile, on a un meilleur point de vue du trafic. On peut regarder sa carte, son livre de route. on peut peut-être se reposer. Attendre aussi que le trafic soit passé. Et après ça, on repart. On quitte le stationnement. Et on recommence son cheminement. Les contraventions sont là pour empêcher les gens de stationner. Et il y en a énormément de contraventions. Une contravention divine, par exemple. Si vous doutez de Dieu, c'est pas correct. Alors, on vous met une contravention. C'est un péché, je ne sais plus quoi, véniel ou mortel, mais du moins un péché. Parce qu'un jour, l'être humain dans une religion s'arrête, stationne, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre conscience du mouvement spirituel dans lequel il cheminait, eh bien, il y a des forces d'involution qui viennent lui mettre une contravention et qui viennent le culpabiliser d'avoir stationné son automobile dans un endroit interdit. Qui, sur cette planète, peut interdire à un homme de stationner ou à une femme de stationner quelque part? Vous savez que de l'autre côté de la rue, ici, c'est très intéressant. Le stationnement est interdit. Le stationnement est permis devant tous les domiciles le jour, alors que tous les domiciliés sont partis travailler. Et il est totalement interdit le soir et la nuit, alors qu'ils sont tous chez eux. C'est très intéressant. L'amour n'existe pas. Alors, en réalité, l'amour existe. Je ne veux pas dire que vous vous êtes toutes faites attraper, mais l'amour existe. L'amour qui crée le malheur, ça existe. L'amour qui rend heureux, ça, ça n'existe pas. L'amour qui crée l'attachement et la dépendance, ça existe. L'amour qui rend l'homme libre, ça n'existe pas. C'est une farce. C'est une illusion, un mensonge cosmique. C'est une loi donnée par les maîtres aux esclaves. L'amour qui fait souffrir, ça existe. L'amour qui libère de la souffrance, mais non. Qui sur la planète peut me parler d'un amour qui libère de la souffrance? Personne. Je n'ai qu'à lui demander s'il m'aime. Et si les réloses répondent oui, alors je l'envoie chier. Et il va souffrir. Parce que s'il m'aime, nécessairement, il est manipulable et assujetti à souffrir. Quand je dis que l'amour n'existe pas, je veux dire que l'illusion, l'idée que l'être humain sur cette planète se fait de l'amour, est impossible. C'est comme si vous me parleriez d'un BPC, qui guérit le cancer. Un biphényl polychloré qui est capable de permettre à l'humain de se guérir, alors que le BPC est hautement cancérigène, extrêmement toxique, et il détruit. Mais le BPC a un avantage, une espèce de qualité intéressante, c'est qu'il permet le refroidissement des transformateurs électriques. Alors, on va se mettre à l'adorer parce qu'il nous fournit l'électricité. Et parce qu'on l'adore, parce qu'il nous fournit l'électricité, on pense qu'il est bon. Même s'il nous entretue, même s'il nous fait souffrir, même s'il nous rend malade, même s'il nous détruit, même s'il nous rend angoissé. L'amour, c'est une colle qui permet à des psychologies humaines de s'accoler les uns aux autres. Et qui permet surtout à la conscience de l'homme d'être totalement détruite au fur et à mesure de sa construction. Celui qui aime ne peut pas avoir de conscience évolutive, de conscience consciente. Il a de l'intelligence qu'il ne connaît pas, il a de la conscience qu'il ignore. Mais il ne peut pas être conscient, il n'est pas vivant, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas conscient, il ne sait absolument pas ce qui lui arrive. Et c'est pourquoi il vante tant les apparents bienfaits que l'amour devrait donner à l'homme, mais que finalement on n'a jamais trouvé sur cette planète. Dans l'Antiquité, les dieux s'aimaient, ils se jalousaient, et au nom de l'amour, ils se battaient. Et ils massacraient certains humains, ils valorisaient d'autres humains pour faire rendre jaloux d'autres dieux. Et finalement, Moïse a tranché tout ça, il a placé les dieux en hiérarchie, il a mis au-dessus de cela un seul Dieu, le bon Dieu, qui aime son peuple. S'il aime son peuple, cela veut dire qu'il n'aime pas la terre, il n'aime pas tous les terriens. Il a un peuple élu, contre qui il va opposer leur force. Alors, il sera capable de défendre son peuple élu contre les Égyptiens. Alors, il n'aime pas tous les humains. Il aime que ceux qui l'aiment. Et que ça me fait penser aux religions. Puis, il y a souvent ce que l'humain fait. Alors, cet amour, ce foutu amour que l'humain vante tant et qui détruit l'humanité depuis le début de l'humanité, au nom duquel on fait des guerres. Il n'y a pas une guerre sur cette planète qui n'a pas été sous-tendue par l'amour psychologique qui habite la conscience de l'homme. Il n'y a pas d'inquiétude qui n'est pas engendrée par l'amour. Il n'y a pas de jalousie qui ne soit pas engendrée par cet amour. Et tous les divorces sont engendrés par l'amour. Les chicanes entre les humains sont engendrées par l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Premièrement, on a son amour propre. C'est-à-dire qu'il y a des particularités de notre de nous autres, de notre conception, de nous-mêmes, que nous aimons au point d'haïr le reste. Notre amour propre. Alors, j'aime autrui à la condition qu'il ne me crache pas en plein visage. Parce que s'il me crache en plein visage, oh, ben, on a quand même son amour propre. Après l'amour propre, on a l'amour familial, l'amour de projection, l'amour de tous ceux dans qui on se projette, et l'amour de tous les objets aussi dans qui on se projette. Touche pas à ma femme, touche pas à mon mari, touche pas à mes enfants, touche pas à mon automobile. Quelqu'un qui rentre chez lui et qui s'est fait voler ses meubles se sent vide, une partie de lui est partie, il se projette dedans. On l'a volé. On n'a pas volé son piano. Non, on l'a volé. C'est lui qu'on a volé. Pas le meuble, mais la partie de lui qui était exprimée, projetée dans le meuble. Ça, c'est l'amour par projection. Alors, j'aime la nation. Mais la nation, il ne faut pas que le voisin touche à mon fils, à ma femme, à mon mari, à mon piano. Parce que là, quand même. Et on a l'amour national qui peut faire en sorte qu'on peut aller se battre pour un drapeau. Bon, un drapeau n'est pas capable de se battre tout seul. On se bat pour lui. Et on a l'amour aussi, par la suite, de nos concepts, de nos idéologies. L'amour de ses idées, ou de l'amour d'un idéal. Et lentement, on atteint l'amour spirituel. Rares sont les individus qui peuvent placer l'amour spirituel en premier. Les quelques rares qui vont dire que moi je meurs au nom de Dieu, sont des individus qui meurent au nom d'eux-mêmes. Ils aiment les parties d'eux-mêmes qu'ils croient être des parties du Christ. Alors, ils vont dire, le Christ m'habite. Des parties de Dieu, alors ils vont dire, Dieu m'habite. Et il y a d'autres formes d'amour. Celui qui est malade depuis longtemps et qui est tellement habitué à sa maladie que finalement, il aime un point tel qu'il ne veut pas en guérir. Celui qui a ses phobies, qui dit, moi, je suis fait comme ça. Celui, bref, qui ne veut pas changer au nom du fait qu'il aime comment il est, même s'il en souffre. De toute façon, l'amour va avec la souffrance. Alors, je vais essayer d'établir pourquoi je parle de l'amour. Parce que, premièrement, j'en ai parlé un peu il y a deux semaines. L'être humain est un être qui a la faculté d'évolution, donc est un être évolutif. Il est habité par un virus majeur qu'on appelle l'âme, et dans lequel se trouvent réunies les mémoires, les désirs, les émotions, que l'antique tradition appelle aussi corps astral. Et il y a au-delà de l'âme, de l'esprit dans l'homme, de l'intelligence instantanée, de l'intelligence active, une intelligence qui ne dépend pas des mémoires, une intelligence qui peut faire à l'homme des choses que l'homme n'a pas apprises. Une intelligence qui peut instruire l'homme, même si l'homme n'a pas de maître. Une intelligence qui permet à l'homme, donc à la femme et à l'enfant, de savoir avant même de connaître. Une intelligence qui donne à l'homme la faculté d'être sans avoir besoin d'apprendre comment être. Une intelligence qui permet à l'homme de raisonner, de vivre des sentiments sans avoir besoin d'être pogné et d'aimer. Et lorsque je m'adresse à des humains, lorsque je parle à des humains, je vois de l'intelligence chez eux. Une intelligence tellement cachée par une quinzaine de verts soleils qu'on ne voit à peu près plus cette étincelle. Alors, lorsque je rencontre un être humain, il commence par placer un carcan, ce qu'il pense qu'il est. Derrière, il y a ce qu'il veut que je pense qu'il est. Et moi, je ne peux m'empêcher de voir ce qu'il est. Mais lorsque je communique avec un être humain, pour pouvoir parler avec ce qu'il est, je dois nécessairement démolir les filtres par lesquels il m'écoute. Et c'est pourquoi je semble de temps en temps violent. Pour que l'intelligence à l'intérieur de l'homme, et j'ai besoin que l'intelligence à l'intérieur de l'homme se libère, parce que je ne peux pas traverser des sphères tout seul. L'être humain est relié sous différents faisceaux, et nécessairement celui qui avance est retenu par ceux qui reculent. Et entre les deux, il y a ceux qui attendent. À travers des millions d'années d'évolution, finalement, on avance. Mais on avance lentement. Alors, il vient un moment donné où il est extrêmement utile, pour moi, de faire en sorte que des consciences sortent et transparaissent à travers des filtres. L'amour est l'un des grands filtres, l'un des grands problèmes, l'une des grandes clés d'involution. Et la majorité des structures psychologiques basées sur l'amour ont peur d'une conférence comme celle de ce soir, parce qu'ils se disent, oui, mais s'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce que m'en faire? Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle briser des formes. C'est ça l'évolution, c'est ça l'initiation. Êtes-vous capable, si vous voyez l'intelligence d'une nouvelle chose, d'abandonner les vieilles choses et de ne pas les conserver au nom du fait que l'humanité les a toujours gardées, ou au nom du fait qu'on vous a instruit comme ça, ou au nom du fait que vous avez 60 ans ou plus, ou au nom du fait que vos parents vous ont aimé comme ça, ou au nom du fait que vous avez toujours fait ça? Ce n'est pas parce que cela fait 2 millions d'années que l'on fait quelque chose mal que maintenant on le fait bien. On est maintenant des spécialistes de comment le faire mal. On parle d'amour depuis au-dessus de 2000 ans, plus précisément. Et ça ne semble pas avoir soulagé personne. Mais Bouddha, le Siddhartha Gautama, avait aussi parlé de l'amour. Mais ça n'a pas soulagé personne. Et il y a d'autres personnes, bien avant, qui ont parlé de l'amour. Ram en avait parlé. Et d'autres avant. Et ça n'a pas soulagé grand monde. Hiram Abiff en avait parlé. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, ben c'est pas grave. Mais il y en a parlé. Ça n'a rien changé. Qu'est-ce que ça fait, l'amour, quand on en parle? Ça ravive les cœurs. Ça ravive les âmes. Ça met un feu intérieur. Ça met du baume sur les plaies. Ça empêche l'homme de voir la merde qui l'entoure. Mais cela ne la solutionne pas, cette merde, ce problème. Alors, s'il y a une pluie de météorites, eh bien, aimons-nous entre nous. On mourra plus gaiement. L'amour, c'est un piège. Un piège tellement inscrit dans la conscience, dans la substance astrale, dans la substance amique de l'homme, depuis le début de la conscience amique, cela a commencé il y a quelques millions d'années en Lémurie. Dans les vieux archétypes, on a instruit l'homme d'aimer et on a bâti la structure de son âme sur l'attraction, sur l'amour. J'ai un penchant pour lui, je suis attiré par lui. J'ai déjà dit que si on prenait 2 oiseaux et qu'on les attachait l'un à l'autre, même s'ils avaient 4 ailes, ils ne pourraient plus voler. C'est ça, l'amour. C'est ce que l'amour fait. Elle attache. Et elle empêche l'homme, la femme et l'enfant de voler. Elle empêche la conscience de grandir, de monter marche après marche pour parvenir à savoir et à comprendre ce qu'elle fait dans un corps physique, sur une planète physique, dans un système solaire, à l'extrémité d'une galaxie, dans un univers planté en au centre d'un super-univers, dans l'aile d'un phénomène créationnel. Ça donne le savoir à l'humain, l'évolution. Prenons des esclaves. Instruisons les tout jeunes à s'aimer entre eux pour mieux supporter leurs problèmes. Et ils resteront nos esclaves à jamais. Parce qu'au lieu de vouloir s'en sortir, ils s'aimeront. Et on va dire, oui, mais pendant qu'ils s'aiment, ils souffrent moins. C'est vrai. Mais savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, souffrir moins? Ça veut juste dire souffrir plus longtemps. Parce que la souffrance est la transformation lente d'une mémoire. La souffrance apparaît dans la conscience de l'homme par le refus d'une mémoire à une transformation. Alors, si lentement vous vous transformez, lentement vous souffrirez. Si radicalement vous vous transformez, alors là, vous souffrirez énormément. Sauf que le facteur temps sera changé. Plus on aura souffert, moins longtemps on souffrira. Par rapport au même changement, à la même transformation, à la même initiation. Et l'amour permet à l'homme d'étirer dans un contexte temporel sa mutation, son évolution, sa transformation, en atténuant de ce fait la souffrance, mais en atténuant immédiatement son évolution, sa libération. Certains ont dit que dans l'amour, il y avait le salut. Dans l'amour, il y a le salut de l'âme qui gagne le monde de la mort, qu'on appelle communément le ciel, mais il n'y a pas le salut de l'intelligence. Il n'y a pas le salut de vous-même. En tant qu'être humain intelligent et non pas en tant qu'animal humain émotif. Quelqu'un qui aime trop, on peut le droguer, il n'aime plus. Ce genre d'amour est totalement animal. Il est attribuable au corps physique, au système hormonal, au système endocrinien. Il est régi dans l'âme, ça va de soi, mais l'âme, ce n'est pas grand-chose, l'âme. L'âme, c'est la copie conforme de l'intelligence et qui, à un moment donné, est tellement bien constituée qu'elle se prend pour l'intelligence. Alors, l'amour. Un être est libre. Il n'aime pas. Il a quelques mois, quelques années de vie. Il voit le soleil. Il ne l'aime pas. N'étant pas capable d'aimer le soleil, il ne peut pas l'haïr. Ne l'ayant jamais aimé, il ne peut pas l'haïr. Il n'haït pas le soleil. Il ne l'aime pas. Il n'en est pas indifférent. Il ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il l'haït, je répète bien, il n'est pas en affinité, il ne dépend pas du soleil, il ne s'en sert pas comme une divinité, il ne l'aime pas. Ça veut dire réveille-toi. Bon. Il n'aime pas le soleil. Il voit des papillons, il ne les aime pas. Il voit des fleurs, il ne les aime pas, il est trop jeune pour aimer. Un enfant n'aime pas. Un bébé n'aime pas. Il a besoin du sein de sa mère ou du biberon de son père. Mais ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de survie. Et lorsqu'il a 4-5 ans, est-ce qu'il aime? Donnez-lui un papillon, il mange. Il n'aime pas. Mais est-ce qu'il souffre de la culpabilité d'avoir tué un papillon? Non. Papillon ou Drano ou Aljax. Ou encore le livre de cours de son frère. C'est la même chose. Il le mange. Et lentement, il découvre des états. Sa conscience grandit, sa conscience chemine. Et il voit d'autres choses. Qu'ils n'aiment pas. Et lentement, les adultes qui sont, eux, archétypés par le phénomène de l'amour, commencent à enseigner à l'enfant à aimer. Premièrement, l'enfant doit aimer les parents, c'est-à-dire qu'il doit s'ennuyer des parents, preuve de l'amour. Il doit souffrir de l'absence des parents. Sinon, on va voir qu'il n'aime pas les parents et on va penser qu'il y a un problème, qu'il est sans cœur. Alors, si on instruit à notre enfant comment aimer, comment aimer ses frères et sœurs, c'est-à-dire comment souffrir de leur présence. Comment aimer ses parents, souffrir de leur absence. Comment aimer ses céréales, pour pouvoir broyer quand il n'a plus. Comment aimer ses jouets, pour pouvoir se chicaner quand quelqu'un les lui prend. Et pour qu'il soit totalement omnibulé dans son schéma d'évolution, on lui dit « Aime tes jouets et prête-les aux autres que tu dois aimer ». Et à travers ces totales contradictions d'amour, regardons la religion. Aimez vos frères et vos sœurs comme vous-même et prêtez-leur jamais votre femme ou votre mari. C'est la même chose. Alors, l'enfant apprend lentement à souffrir. Et parce qu'on est dans un monde de mensonges, le mot « souffrance » est banni de notre linguistique et on lui appose le nom d'amour. Et maintenant, vous pourrez tuer au nom de l'amour que vous portez à votre pays, à votre famille, à vos pères ou à votre Dieu. L'individu souffre. Il souffre à un point tel que lentement, au cours de son éducation, on lui enseigne à nous servir. Tu dois aimer ton père et ta mère. Et lentement, on va le culpabiliser s'il n'aime pas suffisamment pour servir comme un esclave. Et la société va lentement récupérer ce système d'éducation et culpabiliser le citoyen s'il n'est pas modèle, s'il n'est pas tapette, et s'il ne sert pas aveuglément un système. Alors, lentement, on est tout seul chez soi, on est sur le bien-être social, par exemple, ou on est sur sa pension de vieillesse, et puis on se berce. Et puis là, il y a ce facteur d'éducation dans l'âme qui commence à chatouiller. Il me semble que je pourrais faire quelque chose de mon temps. Peut-être que je pourrais aider d'autres mondes. Culpabilité va lentement s'installer. L'individu va vouloir aller aider, il va faire du bénévolat. Pour ne pas souffrir, il fera du bénévolat. Un autre va dire, « Ah, moi, je m'occupe, moi, je me drogue. » Ah, ben lui, il ne fera pas de bénévolat. Il n'a pas besoin. On va dire, « Crime, t'aimes pas assez l'humain. » Et si l'individu est moindrement conscient, ce qui n'est pas le cas avec une drogue, il pourrait répondre, « Effectivement, je ne souffre pas l'homme. » Mais toi, tu fais du bénévolat parce que tu souffres. Et le bénévolat vient atténuer ta souffrance. C'est la mécanicité qui rend l'homme totalement esclave, sans sa conscience. Alors maintenant, pour éliminer cette souffrance, on va aller payer le tribut de l'amour, qui sera toujours à recommencer. Vous voulez aimer convenablement vos enfants, la journée qu'ils sont en retard ou qu'ils ne rentrent pas immédiatement de l'école ou de quelque chose comme ça, eh bien, vous allez payer le tribut. L'inquiétude, l'angoisse, etc. C'est l'amour, mes amis. Vous aimez vos enfants. Soyez joyeux. Vous voyez, à un moment donné, votre femme, votre mari sortir avec quelqu'un d'autre. C'est l'amour. Faites jaloux. C'est l'amour. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils sortent ensemble? C'est l'amour aussi. C'est l'amour. À un moment donné, la personne avec qui vous commencez à vivre ou avec laquelle vous vivez vous laisse tomber. Paf! C'est le cas de le dire. Vous êtes pogné après, à vous lâche. Paf! Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a les meurtres passionnels. Passionnels! C'est l'amour! On devrait être content, on a de l'amour en pleine face. Un coup de douze dans le ventre de sa femme. C'est l'amour! C'est un fait. C'est ça, l'amour. On va dire, oui, mais nous, on autres, on s'aime, puis on se tue pas. Mais non. Puis quand tu veux sortir, puis l'autre veut pas, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est là, l'amour. Bien là, on se manipule, on se tête, on se dit, bon, c'est l'amour. Vous voulez vérifier si votre femme, votre mari, vos enfants vous aiment? Teignez-vous les cheveux en mauve, puis rentrez chez vous un soir. Vous allez voir, plein d'amour dans la maison. Ils vont souffrir parce qu'ils vous aiment. Alors, on va se dire quoi? Eh oui, mais vu qu'il m'aime, nécessairement, il souffre, si... Alors, je ne veux pas qu'il souffre. Qui c'est qui m'a enseigné ça? Ben lui. Lentement, il m'a dit, oui, mais j'aime pas ça quand tu fais ça. Si tu m'aimes, si tu m'aimes réellement, tu ne feras pas ça. Tu ne me feras pas souffrir si tu m'aimes. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant pour qu'il ne souffre pas parce qu'il m'aime? Eh bien, je ne me mets pas les cheveux comme je voudrais, puis je deviens une pinotte, un esclave, puis je suis... totalement comme il veut. Comme ça, parce qu'il m'aime, puis moi, je vais m'organiser pour qu'il ne souffre pas parce qu'il m'aime, parce que l'amour, veut pas, c'est la souffrance. Tous ceux que vous aimez, si vous les aimez plus qu'ils vous aiment, cela veut dire que vous les faites souffrir un peu plus qu'ils vous font souffrir. Et si vous observez mentalement, logiquement, froidement, ce que vous imposez à ceux que vous aimez, eh bien, vous verrez qu'effectivement, plus vous les aimez, plus vous les faites souffrir. La mère qui aime bien son enfant et qui veut l'avoir toute propre, propre quand il va à l'école, « Ah, ben je ne fais pas souffrir. » Ben non. Mais il ne peut pas se mettre à genoux dans le gazon, sinon il se fait chicaner en rentrant parce qu'il y a du verre sur ses pantalons. Il ne peut pas s'accoter sur un mur, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Tandis que l'autre, que sa mère semble aimer moins, puis qu'il aille donc tout crotter à l'école, ben lui, il joue, il a du fun. Celle qui l'aime plus, le fait souffrir plus. C'est sûr qu'après une conférence comme celle-là, on peut s'en aller en se disant, ben là, je fais quoi? Là, j'aime plus mon enfant. Comprenez qu'il y a une nuance majeure entre ne pas aimer et haïr ou détester. Est-ce que vous avez besoin d'aimer votre enfant pour le nourrir? Non, c'est simplement logique de nourrir son enfant. Puis s'il ne veut pas manger toutes les patates, on va dire « force-toi donc un peu ». Ben oui, c'est ça, défonce-toi l'estomac, deviens malade, deviens paquet, mais force-toi, fais-moi plaisir. Moi, j'ai fait les patates, puis là, je sauve quand tu ne manges pas. C'est pour toi que je te dis ça. Je t'aime. Non. Aimez-le pas trop, il ne vous aimera pas trop. Il ne vous fera pas trop souffrir plus tard. Veux, veux pas. Quelle que soit la façon dont on voudra se cacher psychologiquement ce que je dis ce soir, de toute façon, vous n'aurez jamais une preuve d'un amour qui ne fait pas souffrir. L'humain voudra exprimer dans sa psychologie, il exprime de la souffrance avec un interdit, il ne peut pas employer le mot souffrance, alors il dit amour. Il manque d'amour sur cette planète, voyons donc. Regardez comment l'humain dort mal. Il y a trop d'amour sur cette planète. Les Russes s'aiment au point d'envahir le monde. L'islam s'adore au point d'envahir le monde. Les États-Unis s'aiment tellement qu'ils n'ont aucun ami, ils ont des intérêts. Quel que soit ce qui y arrive, c'est comme cela. Vous aimez un peuple, vous serez l'esclave du peuple. Vous n'aimez pas un peuple, mais vous comprenez ce qu'intelligemment un peuple doit faire pour son bien-être. Vous ne l'aimez pas, mais c'est évident, c'est logique, c'est intelligent. Vous ne serez pas l'esclave du peuple. Il sera peut-être votre esclave, parce que lui, peut-être, il va vous aimer. Qu'est-ce que c'est quand une personne veut un maître? Prenons l'exemple. Moi, je n'ai aucun disciple. Les disciples, je le botte le... Prenons une personne qui veut me suivre, qui m'aime, qui trouve que je suis génial, qui veut absolument coller aux fesses, qui vient parler de moi, qui tripe, qui me regarde avec des gros yeux, là. Elle sait que je ne suis plus là, puis elle passe encore, je suis là. Tu sais, quelqu'un qui tripe, là. Bon. Elle m'aime. Ça veut dire quoi, ça, qu'elle m'aime? Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va dire, « Hey, M. Kim, ou Daniel, tu sais, ça fait 15 ans que je te suis. Je t'aime. Je peux-tu te parler 30 secondes? » Elle va me dire non. « Ben voyons non! » « Hey, t'es bon! » Non. Elle m'aime. Alors maintenant qu'elle me dit qu'elle m'aimait, elle pense que je suis maintenant son esclave. Crime, je t'aime. Tu peux pas me faire ça. Alors, la personne, elle va dire, c'est drôle, mais je l'aimais, mais il me fait souffrir. Volontairement. Eh oui, je la libère. Mais je ne la fais pas souffrir. Si elle ne m'aime pas, elle ne souffrira pas. C'est sa condition d'aimant qui fait qu'elle a une condition de souffrant. Tous ceux qui vont vous dire que vous les faites souffrir se font souffrir eux-mêmes. C'est parce qu'ils vous aiment. Et l'amour étant placé par des hiérarchies d'involution pour rendre l'homme esclave, ceux qui vous aiment vont nécessairement vous rendre esclave. C'est le prototype même de l'expression de l'amour. Alors, oui, mais tu me fais souffrir en me disant ça. Aime-moi pas. Puis tu souffriras pas. Ah ouais, si je t'aime pas, je m'en vais vivre ailleurs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On partage le loyer. On partage l'épicerie. De temps en temps, on jase ensemble. De temps en temps, on fait des zigouzigouzi. De temps en temps, on discute. On a des choses extrêmement utiles à faire, intéressantes à faire. Pourquoi tout gâcher par l'amour? Par l'esclavagisme. Cet amour qui rend l'homme heureux n'existe pas. Cet amour qui rend l'homme libre n'existe pas. Cet amour qui rend l'homme sans souffrance n'existe pas. Et ceux qui vont continuer à aimer, sachez que plus vous aimerez, plus vous ferez souffrir des gens. Prenons l'exemple. Vous aimez quelqu'un. Oh, génial. Il vous prête des 5 piastres de temps en temps. Vous achète des ballons, ça vous amène partout. Et quand vous avez des problèmes, il est là pour vous écouter. Même s'il dort des fois, c'est pas grave, vous continuez à jaser. Puis à un moment donné, une maladie, un accident, ou ce qu'on appelle la vieillesse, qui est une maladie de dégénérescence, l'emporte. Il meurt. Alors là, vous souffrez. Et même là, certains vont oser dire, « Je l'aimais tant, pourquoi qu'il m'a fait ça? » Eh oui, l'esclave est libre. Il est mort. Alors, je ne peux plus le manipuler. Alors, il ne peut plus travailler pour m'empêcher de souffrir. Qu'est-ce qui reste? Mon amour? Alors, je pleure. Ah oui, je souffre! Il reste mon amour pour lui. Je souffre. Il reste la souffrance. L'esclave n'est plus là pour travailler pour que je ne souffre plus. Vous aimez votre chien? Il est votre esclave. Amène les pantoufles. Le chien décide de devenir comme un chat. Il n'amène pas les pantoufles. Qu'est-ce que le bonhomme il fait? Il slaque le chien. Il va aller en chercher un autre. Il va le dresser. Il va le... Hein? Parce qu'un chien, il faut que ça t'aime. Puis là, tu l'aimes. Sinon, quel que soit ce que vous allez vouloir faire avec l'amour psychologique qui couvre et qui étrangle totalement la conscience évolutive de l'humanité sur cette planète, vous ne pourrez faire autrement si vous êtes observateur que de découvrir que vous exprimez de la souffrance. Et un individu bien éduqué devra normalement absorber toute votre souffrance, souffrir à votre place pour que vous ne soyez pas dans cet état de souffrance. Et vous pourrez dire, lui, au moins, il m'aime. Mais vous, alors qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas l'amour? Bon, premièrement, on ne se divorce pas. S'il n'y a pas l'amour, plus de raison de divorcer. On ne se chicane pas. S'il n'y a pas de l'amour, plus de nécessité de se chicaner. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous ne l'aimez pas. Vous pouvez discuter avec elle, puis avoir une discussion absolument géniale. Et là, vous commencez à vibrer une résonance avec un sentiment. Ce n'est pas de l'amour. C'est vivant. Ce n'est pas mémoriel. Et l'autre, il est libre. La journée, elle m'a fait 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 3 heures qu'on jase ensemble. On était chez le barbier, puis finalement, le barbier est parti aux toilettes, il est revenu. Puis là, on jase. Et puis quand la personne dit, « Ah, ben là, il est trop tard, il faut que je m'en aille. Bon, ben je suis bien content de vous avoir connu. » Vous ne l'empêchez pas de s'en aller. Mais non, vous ne l'aimez pas. Et vous dites, « Hey, c'est un bon gars, c'est une bonne femme. » Mais vous ne l'aimez pas. Donc, vous ne le faites pas souffrir. Vous ne le limitez pas, il veut s'en aller, qu'il s'en aille. Vous le respectez. Et vous ne l'aimez pas. Alors, disons que c'est une femme, et puis que vous êtes un homme, et puis vous n'êtes pas chez le barbier, vous êtes chez la coiffeuse. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 20 fois que vous vous rencontrez, puis vous discutez. Alors, lentement, vous allez commencer à l'aimer. C'est-à-dire que vous allez l'avoir tellement expérimenté du point de vue émotif, du point de vue de votre âme, que vous allez commencer à l'aimer, à souffrir de sa présence dans le fait que vous allez souffrir son absence. Et là, la personne, elle dit, « Bon, ben là, il faut que je m'en aille. Ah, c'est ça, on se connaît bien maintenant. Elle m'appelle Daniel, je l'appelle José. On se connaît bien, ça va bien. Ah, reste donc encore un peu. » Là, on commence. Ouais, on commence à l'aimer. Fait qu'on commence à la manipuler. « Ah, non, je peux pas, il faut que je m'en aille. Ah, crime, j'aurais aimé ça que tu restes, ça m'aurait fait passer le temps. Ah, ah! Viens lui dire, si tu t'en vas, on va souffrir. » Je commence à la manipuler. « Ah, j'aime ça, José, avec toi, j'aime ça ta présence. T'sais, on se connaît, on s'entend bien. » Là, je commence à lui communiquer que je l'aime et que c'est à part à moi souffrir. Donc, si elle est bien éduquée, elle devrait rester assise. Et ça commence lentement, puis finalement, on décide de se voir les soirs autrement que chez le coiffeur, parce que là, on s'est coupé les cheveux tous les jours, ça n'a plus d'allure. Puis là, on va aller voir des films, Et puis on décide d'aller visiter la maison de l'autre, puis l'autre maison, puis quelques pièces. Bon. Et puis là, maintenant, c'est fait. On s'aime. On se respecte plus. Et on souffre. Dans le début, pour bien cimenter l'affection, l'amour est tellement pervers qu'il est construit de façon à ce que l'humain n'ait pas de problème. La souffrance est en karma différé. Plus tard. Aimez-vous, mes oiseaux. Hey, lâchez pas. Quand vous serez suffisamment attachés, là, vous allez commencer à dire, « Ouais, mais il me semble que tu pourrais faire un peu plus. Il me semble que tout ce que vous acceptiez dans le début, il me semble que là, il ne faut plus l'accepter. » Et là, on commence à dire à l'autre, « Il me semble que tu devrais faire des promesses de con, qu'on appelle des compromis. Tu devrais changer. Faire un effort. On devrait dialoguer. Ferme ta gueule puis écoute-moi. Le dialogue va être vrai si tu dis, ouais, tu as raison. Ouais, certainement. Puis là, on s'aime. On s'aime des problèmes. Il y a dans l'homme une transparence vibratoire qui lui permet de découvrir par vibration, par résonance, par harmonique, des entités qui font partie du même faisceau évolutif que lui, c'est-à-dire des intelligences qui sont en harmonie avec sa propre intelligence. Il y a chez l'homme une transparence dans la conscience qui permet à un homme ou à une femme ou à un enfant de se sentir bien immédiatement avec quelqu'un ou de ne pas raisonner avec un autre. Il ne l'haït pas, il ne déteste pas. Ça n'a rien à voir. Et c'est cela qu'on doit cultiver, qu'on doit observer. C'est comme ça qu'on le développe. Êtes-vous capable d'aller quelque part et d'être juste bien, sans aimer la place, être bien? Au lieu de dire, « Hey, ça fait une demi-heure, je suis bien. Ah ben là, je ne suis plus bien. Hey, j'aime ça, être ici, tabarnouche, je ne sais pas si on pourrait revenir. Coûte cher, par exemple. » Plus être bien, aimer la place, et plus être bien. On rencontre un individu, que ce soit sa femme, son mari, ses enfants, ses collègues de travail, ou n'importe qui. Êtes-vous capable de raisonner avec? On raisonne avec. Les premières fois qu'on rencontre quelqu'un, on raisonne avec. On ne peut pas aller les rencontrer, on ne les aime pas. On ne peut pas s'asseoir à côté l'un, à côté de l'autre, puis se toucher, on ne les aime pas. Il faut qu'il y ait une résonance, une vibration. Ça, c'est au-delà de l'amour. Ça fait partie de l'intelligence chez l'homme. La capacité qu'il a de reconnaître, sans connaître, de reconnaître, de découvrir, de savoir avec qui il peut échanger, avec qui il peut vivre des morceaux de vie, avec qui il peut peut-être travailler, avec qui il peut dialoguer. C'est de l'intelligence instantanée qui transparaît dans le corps physique sous la forme d'un sentiment. Un pressentiment, un ressentiment, un sentiment, comme vous voudrez. Une vibration, une perception, un feeling, pour ceux qui ne parlent pas tout à fait français. Et ça, c'est pur. Vous voyez un enfant, il est beau. Vous voyez une femme, elle est belle. Vous voyez un homme, il est beau. Vous raisonnez à sa beauté. Pas besoin de l'aimer, mais raisonnez à sa beauté. Alors, vous vivez en couple. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un couple? En mécanique, c'est la force de torsion qu'on applique à un élément. C'est un couple. Non. Vous vivez en couple. Il y a nécessairement une force de torsion qui est appliquée. Des éléments. Vivez plus en couple. Vivez ensemble et pas en couple. C'est pas ma femme, c'est pas mon mari, c'est pas mes enfants. C'est Ginette, c'est Pierre, c'est Gabriel, c'est Wilfrid, c'est Marie-Josée. Est-ce que tu m'aimes? Ah oui, je t'aime. Mais ça paraît pas. Qu'est-ce qui se passe dans le bonhomme ou dans la bonne femme? Là, il faudra qu'il souffre. Il faudra qu'il soit jaloux. Il faudra qu'il soit inquiet. Faites des expériences. Si vous n'arrivez pas à saisir, si vous me prenez totalement pour fou, du point de vue de la majorité des humains, je suis peut-être fou, parce que l'humain ne peut pas comprendre encore ce que je dis. Faites l'expérience. Entrez très, très, très, très tard un soir sans avertir votre conjoint. Vous allez voir. Si vous rentrez, puis il est là en train d'écouter la télévision, « Ah, allô! » Elle est dit là, « Ben, nous, je ne suis même pas inquiété. » Quelque chose de louche. Eh oui, il ne vous aime pas, il ne souffre pas. C'est peut-être plus libre. Si vous l'avez bien éduqué, ah, il va être morfondu à un point tel qu'il peut même vous engueuler. « T'aurais pu m'appeler! » Hey, j'ai souffert. Ben, c'était pas là. Je t'aime. Tu m'appelles au moins pour me causer, m'entretenir, me donner de l'espoir que tu vas rentrer dans une heure et demie, dans deux heures, ce soir, demain. Me dire, tu dois faire ton rapport. Prenons les mots que l'on voudra. C'est évident que quelqu'un va me dire, ben oui, mais ça soulage quand l'autre t'appelle. Je le sais que ça soulage. Vous souffrez, vous l'aimez. Je ne nie pas cela. C'est évident que ça marche. Votre mère, votre père, votre grand-père, il souffre quand vous n'allez pas le voir à Noël. Ben allez le voir si vous voulez. Et on n'éduque pas l'humanité, on ne change pas tout le monde. Mais soit, vous êtes venu ici ce soir, vous êtes fait attraper, vous êtes ici. Ben vous pouvez au moins commencer à cesser d'aimer. De souffrir. Ceux qui souffrent, qu'ils souffrent. C'est présentement leur plan de vie. Si on peut jaser, on peut jaser. On ne change pas ça du jour au lendemain. Il y a un virus dans la conscience de l'homme qui, lui, est appelé à aimer. Il l'aime. Il aime Dieu. Il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais entendu, il ne l'a jamais senti. Il aime Dieu. Il aime quelqu'un. N'importe qui, quelqu'un. C'est la femme idéale. T'as-tu vu les 3 milliards de femmes qu'il y avait sur la planète? C'est l'idéal d'un 15 mètres de rencontre. Mais l'amour fait que c'est l'amour. L'amour est aveugle, totalement. Hey, la conscience de l'homme est aveugle, pas l'amour. Alors, l'amour assez ancré, moi, il va. Il y a ce que j'appelais l'amour intelligent. Je mettais le mot « amour » pour que l'être humain comprenne que c'est une transcendance sur l'amour psychologique qui fait souffrir l'humanité et qui va l'amener dans des guerres, dans des catastrophes écologiques, etc. Je parle d'amour intelligent en ce sens que c'est l'intelligence qui prédomine avec le respect. Celui qui aime, aime tout. Alors il est, de cet amour intelligent, un amour qui n'aime pas. Celui qui dit aimer et qui a une seule chose sur cette planète qu'il n'aime pas, eh bien, il ne sait pas ce que c'est que de l'amour. Il aime d'un amour extrêmement sélectif, un amour conditionnel. Je t'aime à la condition que. Je t'aime plus parce que, voilà. Êtes-vous capable de chicaner un enfant sans l'haïr? C'est rare. Parce qu'habituellement, les éducateurs, les parents entre autres, aiment leurs enfants. Alors, pour les chicaner, ils doivent les haïr. Ça a créé beaucoup de problèmes en Afrique, d'ailleurs. Les haïr, oui. Alors, ils doivent les haïr. Qu'est-ce que c'est que aimer son enfant pour le chicaner, on doit l'haïr? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que, oh, le tabarnouche, mais de temps en temps, c'est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon, on en sort des conneries, bon. Mais on va simplement attendre d'être à bout. Qu'est-ce que c'est attendre d'être à bout? C'est attendre d'avoir tellement souffert que là, on commence à dire, « Oh, le petit... » Là, on met les mots religieux, ou on met des mots que dans la Bible, mais qui ne servent pas nécessairement à décrire la même chose. Là, on commence à se pomper. Là, on claque un peu plus fort. Il y a des parents qui n'aiment pas encore leurs enfants beaucoup, qui vont être capables d'avoir la patience de vouloir les instruire, pas les éduquer. L'instruction, c'est la capacité qu'a un être humain de permettre à la conscience d'un autre humain d'en arriver à des conclusions. Ça, c'est l'instruction. On instruit. D'une façon, je parle d'une façon sophiste. L'éducation, on lui dit quels sont les résultats qu'il doit arriver, puis on le force à les accepter. Ça, c'est l'éducation. Puis l'élevage, ben là, on fouette dans le tas, puis on essaie de faire quelque chose d'intéressant. Bon. Lorsque l'enfant a 4, 5, 6 ans, la mère, le père ne l'aime peut-être pas encore trop, alors il a la faculté de l'instruire, lui permettre de réfléchir. Lorsqu'il commence à l'aimer, il commence à être impatient. Et à un moment donné, ah ben là, ça fait assez. Il souffre parce qu'il l'aime. Alors, il souffre à un point tel que là, il va couper la souffrance, il tape dans l'enfant. Et c'est ce qui a fait dire à un moment donné, qui aime bien, châtie bien. C'est vrai. Qui a dit cela? Les sœurs. Ils aimaient et ils châtiaient. Il y a donc cet amour intelligent qui va faire nécessairement qu'un être humain ne pourra pas aimer un autre être humain plus qu'un autre être humain. Quand le Nazaréen disait « Aimez-vous les uns les autres comme vous-même », c'est pas, il a employé le terme amour, c'est un terme qu'on a traduit, etc. Mais on ne peut pas, dans le contexte de l'amour, aimer les uns et les autres comme soi-même. À moins qu'on le transcrit par haïssez, souffrez les uns et les autres comme vous souffrez vous-même. Moi, je souffre que tu sois absent, je vais me venger, moi, t'es absent, moi, tout. Là, on s'aime. On se fait souffrir chacun égal. Mais si celui. Si l'être humain arrive à comprendre ce que j'entends par amour intelligent, par vibration de sentiment, cela veut dire qu'il n'est pas capable d'aimer son enfant plus qu'un autre enfant. Ce sont des êtres humains. Et il les résonne, il les vibre. S'il aime plus son enfant qu'un autre, alors là, il l'aime et il souffrira de l'aimer. Ce n'est pas un péché, c'est un problème. Deux enfants, le vôtre et celui du voisin, se cassent la gueule tous les deux. Vous arrivez en courant pour voir ce qui se passe, les deux saignent. Celui du voisin est plus proche de vous. Lequel allez-vous secourir en premier? Si vous aimez d'un amour intelligent, vous allez secourir le premier. Vous secourez une vie humaine. Si vous aimez de la façon de l'homme, de la façon dont l'homme aime, d'un amour sélectif, vous allez passer par-dessus le premier enfant, qui est celui du voisin, pour porter secours à votre projection, à votre souffrance, à celui que vous aimez. Et il n'y a pas de conscientisation réelle, il n'y a pas d'évolution réelle. Vous savez quelle est la terminaison de l'évolution dans les premières strates de l'évolution permise à l'actuelle humanité? C'est une mutation génétique, une cellularisation, une transformation du système neuronique, un cerveau qui fonctionne d'une façon moins bio-chimio-électrique, mais de plus en plus électrique. Et quel que soit l'âge de l'individu, ça dépend de la conscience, ça dépend pas du temps. Le temps, c'est une farce aussi. Et lentement, ça bloque le processus de dégénérescence que l'on accrédite facilement, qu'on appelle le vieillissement. Ça commence un processus de rajeunissement. Et ça permet à l'être humain de conserver son corps physique aussi longtemps qu'il en a besoin. Et si le corps meurt, c'est pas grave, parce que l'être humain, dans sa conscientisation, engendre dans un monde de transition un double, une copie conforme de lui-même, de sa conscience. Et lorsque le corps physique meurt, il ne va pas dans le monde de la mort, il va dans ce double éthérique. Et il se réincarne, se rappelant qui il est. Il ne va pas dans le monde de la mort, il transcende la mort. Le corps physique, s'il tombe et puis s'en va, c'est pas mort. C'est la conscience qui l'habitait, qui, elle, ne doit pas mourir et qui actuellement meurt encore en pénétrant le monde de la mort qu'on appelle le ciel. Ça se réincarne pluralitairement, fusionner un paquet de mémoires similaires, ça se rappelle jamais de ce que ça l'a fait. Alors, ça commence comment? Par la libération. Cesser d'aimer! Et commencer à être heureux, oui. Cesser de souffrir et de faire souffrir. Et commencer à être libre, oui. Ça se fait. Ça se vit. Faut pas juste le parler, l'intellectualiser. Observez que quand vous aimez, vous souffrez. Et que ceux que vous aimez souffrent parce que vous les aimez. C'est immanquable. Faites du bénévolat. Faites une expérience. Allez à Sainte-Justine, allez à Notre-Dame, allez quelque part, à Saint-Charles-Borromée. Allez voir un patient et visitez-le tous les jours pendant deux semaines. Après ça, cessez de le visiter. Vous pouvez être sûr qu'il va souffrir. Et s'il a été un bon manipulateur, eh bien, vous allez être tombé en amour avec lui aussi. Vous allez souffrir aussi. L'amour qui a investi la conscience évolutive de l'homme est un piège. C'est de la souffrance. On évolue par la souffrance, tant qu'on a la conscience d'évoluer dans la souffrance. Mais on peut évoluer sans souffrance. On en élimine déjà une grande partie. Après ça, on travaillera sur une autre partie. Et puis finalement, une troisième partie. Mais vous savez que lorsque l'on tire 100 livres, à un moment donné, si on peut en libérer 25 livres, il reste 75 livres. Et on a la musculature pour en tirer 100. Alors le 75, hein, il pèse comme 50, hein, on avance. Après ça, on libère une autre partie de ce qui apparemment est le foyer dans lequel on évolue la souffrance. Un autre 25 livres, on est bâti pour 100. Ben, ça marche. Alors l'évolution est exponentielle. Plus on évolue, plus vite on évolue. Et je répète que ça n'a rien à voir avec l'âge. L'âge, c'est ça. L'être humain est toujours en train de dire, « Oui, mais moi, ça fait 72 ans là, que j'aime de même. » Puis après, moi, ça en fait 30. Mais oui, mais 72 ans, c'est du temps. Justement, ça fait 72 ans que tu aimes, tu devrais haïr assez l'amour pour avoir plus de facilité que moi à t'en sortir. Connaître la vie, cela veut dire mettre le pied sur n'importe quelle terre de cette planète et se sentir chez soi. J'habite, c'est tout. Je n'aime pas un pays plus qu'un autre. Je vibre, je résonne. Un me plaît, l'autre ne me plaît pas, mais ce n'est pas question d'amour, c'est question de résonance. Alors, je ne suis pas attiré vers où je ne suis pas attiré, je n'y vais pas. Je suis attiré vers où je suis attiré, j'y vais. Je mange des choses que j'ai besoin de manger. Parce que le corps résonne et vibre avec ces choses. Ah, moi, j'aime ça, de la tarte au sucre. Oui, mais on l'a tout mangé. Et qu'est-ce qui se passe? Souffrance. Oh, mais vous auriez pu m'en laisser! Souffrance. Vous avez des commentaires ou des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet? On va faire une petite pause de 15-20 minutes. Vous les écrivez sur des papiers, assez lisiblement pour que je puisse paraître bien lire. Et je vais répondre à vos questions à la deuxième partie. J'aimerais rappeler le spécial de cassette à l'achat du billet pour la semaine prochaine. Et je prierai aux gens qui viennent ici avec l'offre de cassette gratuite, qui sont venus avec l'annonce du guide ressources, de bien attendre quelques minutes que la cassette soit prête. On va vous la remettre toute chaude.